It could be a wonderful, wonderful world. It could be a wonderful world. If we could consider each other a neighbor, a friend, or a brother, it could be a wonderful, wonderful world. It could be a wonderful. Conservateur, mentalité comme un hiver. Ici par révolution, les chômeurs se ramassent à la pelle. À la pelle. Je suis libre dans un monde. Jeunesse maintenue, la tête sous l'eau. Logement pourri et peu de travail. Manifestations ignorées. Sauf quand le black box est la pagaille. La pagaille. Pagaille. Je suis libre dans un monde parfait. Libre dans un monde parfait. À l'heure actuelle, ça vaut des pierres. Des coups, des briques, oui, c'est la misère. La politique devenue obscène. Il faudrait jeter tout ça à la baisse.